Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 23e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب ما معنى الوضوء؟ Les ablutions, oui. Les ablutions. Comment le wadou ou le wadou? Le wadou, c'est l'eau qu'on utilise. Oh. Le wadou, c'est l'action. Le mana, tawadda'a, yatawadda'u. Faire les ablutions. El kef. El kef. Kef. La paume de la main. Al-mazmada. Ça, c'est le fait de mettre de l'eau dans sa bouche. Al-istinshaq. Ça, istinshaq, c'est le fait de mettre de l'eau dans son nez. Al-istinthar. Remuer l'eau dans la bouche, non, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est dans le entre les deux, en fait, entre ça et l'autre, je crois que c'est... Attends. C'est l'eau dans le nez. À ressortir. À ressortir. Expirer l'eau du nez. Al-mirfaq. Le coude. Al-ouzun. Les oreilles. Al-rijl. Pied. Al-ka'b. Les chevilles. Mas'houn. Mas'houn. Ça veut dire massaha et massahou. Massaha. Ah, se laver. Ça fait rose. Ça, c'est essuyer, pardon. Non. Mas'houn, c'est le mazon, c'est l'essuyage. L'essuyage, voilà. L'essuyage. Akhiran. Akhiran. C'est autre, ça. Akhiran. Autre, c'est Akhar. Akhiran. Akhiran. En dernier, pour finir. Ah ouais, au final. Adaoun. Complété. Accomplissement. Accomplissement. Mais attends. Shafatun. Shafatun. Shafa. Makuna shifa. Shafa. Alam najallahu aynayn wa lisanahu wa shafatayn. Lèvre. Shafa, lèvre. Nataka yantiku. Nataka yantiku, c'est. Subhanallah. Prononcer. Ouais, c'est ça, prononcer. Par le prononcer. Al-Wajh. Le visage. Hassan. Avec quoi pour aujourd'hui? Sajisan et Talita dans. سادسا املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار الكلمات المناسبة مما يلي الجمل الأولى من السنة أن تغسل يديك في الوضوء 3 مرات نعم يجب عليك أن تعلم أن تعلم ابنك كيف ابنك ابنك كيف يتوضأ؟ ثالثا دخل الطلاب فصل لآداؤه نعم الامتحان نعم رابعا الإنسان ينطق والحيوان لا ينطق طيب أجيب الأسئلة الآتية هل يعرف الإبن كيف يتوضأ؟ لا يعرفه طيب تستنى بتاعته بقى هيعدي ثانيا من علم الابن الوضوء والدك لا السؤال من علم الابن الوضوء من علم الابن الوضوء qui enseigne au fils l'wudu والدك ما كل من علمك كل من علم الابن هو on pas dit qui t'a appris on dit qui a appris l'enfant à faire l'wudu والده طيب هو علمه الوضوء نعم ثالثا لماذا يبدأ الوضوء يبدأ مع البسملة بالبسملة لكن البسملة ليست من الوضوء بسملة تفعلها في كل عبادة ليس c'est pas une partie de l'wudu. L'wudu en lui-même, il n'y a pas de basmala dedans. C'est une chose qui est rajoutée. Tabda bi ghassl yadayn. Par le lavage des deux mains. Rabian, maza naf'alu ba'd al-istinshaq. Que fait-on après avoir aspiré l'eau dans le nez? Ba'd al-arab naf'alu ghassl wajhi. La. في الحديث ايش قال ابو استنشاق من الوضوء يعني انت اوكي بعد افير ما تمدوا استنشاق وا طيب كيف اسمه استنشاق ولو يا سنتوني تو رياض استنشاق ما استنشاق باسكو ان عربي سي بريسيزي مي ان فرانسي تو سي با نحن نبني كلامنا على النص نو notre truc est basé sur le texte نعم صح طيب بس الاستنثار قال من مضى والاستنشاق والاستنثار خامسا ماذا نفعل بعد مسح الرأس بعد هذا نفعل الغسل اليدين إلى المرفق إلى المرفق غسل اليدين إلى المرفقين نعم لكن لا لا بعد مسح الرأس ما هو هذا même toi dans sur le dos ton utilité sur le dos tous les jours كيف تقول هذا الكلام après la tête tu fais quoi après la tête Après qu'il est superfectué. Ah, j'ai confondu la tête et le visage. C'est les oreilles. Non, mais l'oreille. Moi, c'est l'ouvre-naïf. Ouais. Il a éna tawadjaha l'ibnu ma walidi. Hein? Là. Il a éna tawadjaha l'ibnu ma walidi. كيف تقول توجههم؟ ما هم ينسون partis ensemble. Ils sont partis ensemble. Ils sont partis. Ils sont partis vers la mosquée. C'est vrai que j'ai une solution. Tu dis quoi là? J'ai entendu hum moi. Pourquoi t'as dit? Ça existe pas. Je ne sais pas, tu veux dire. Pas tawajjahum. Comme c'est pour vous. Ça c'est quand c'est avec un ism ou quand c'est un maful bi. Là on va faire un sujet. Est-ce que tu as c'est quoi le tabari, ce dernier? Non, c'est alif. C'est laquelle? Akhir, sadis. Sadis? Il est tawajjah al-ibnu ma walidi. Tawajjah al-ibnu ma walidi il est le masjid. Mais il a foutu mettre un domir. La phrase elle est vraie que tu as dit, mais elle est lourde. Ouais. Tawajjah. Khan al-Abdurrahman, c'est logique, inshallah. Tawajjah. Tawajjahu ila al-masjid. Non. Ou alors, précis. Tawajjahu, c'est bon, tu peux le dire. Ou al-jama'a. C'est non plus précis encore. Al-ibnu wa walidi. Kem hum? Huma. Non. Tawajjaha. Tawajjaha ou tawajjahu al-masjid. Mais c'était pas une heure avant le asr. Il y a 2h30. À peu près une heure, voilà, pour l'instant. Sinon, je croyais qu'on allait partir à 3h. Là, la zone, il est vers moins 20. D'accord. Tu as trouvé le fil. Le ders. Al-Thalith wa 20. Kayfa atayammamu. Comment je fais le tayammum? Le tayammum. Azamin. C'est parmi les spécificités de cette communauté. Les communautés antérieures n'avaient pas de tayammum. Pour preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dit le hadith Jabir ibn Abdillah, qu'Allah utitu khamsan lam yutahunna ahadun kabri. Il m'était accordé 5 choses que personne n'a eu avant moi. Qu'Allah nusirtu bi ru'b masirat al-shahr. Il dit, j'ai été préservé de mes ennemis. Ils perdent dans leur cœur une distance de un mois. C'est-à-dire même un mois de distance, ils ont peur de moi. Quand ils donnent, je relate li l'ard masjidun wa tahura. Que la terre m'a été donnée comme masjid, lieu d'adoration, ainsi que la terre, comme purification. Et ça, le shahid, c'est là. Qu'avant lui, personne n'avait ça. Le tayammum, c'est une chose que personne n'avait avant lui. Également pour les choses qui ont été accordées. Où il a dit également, fil hadith, qu'il est fa ayyu rajulin adrakat as-salat. Il a dit, n'importe quel homme, où qu'il soit, si la salat vient, qu'il l'accomplisse. Quand il donne, j'ai eu le butin de guerre. Il y a eu le butin de guerre, c'est-à-dire qu'avant le prophète Mohammed, les autres prophètes n'avaient pas de butin de guerre. Quand ils faisaient le djihad, ils brûlaient tout. Il y avait un feu qui venait et qui mangeait tout le butin. Tout était exposé dans un lieu réuni. Il y avait un feu qui descendait du ciel et qui consumait tout ce qui avait été exposé. Et le premier qui a eu cette exception, c'est nous. Il y a ni les musulmans. Parce qu'Allah, il a connu le dorf qu'il y avait en nous, la faiblesse qu'il y avait en nous. Également, quand on était tout le shafa'a, et j'ai eu l'intercession majeure, le fait d'intercéder pour les gens qui ont commis les grands péchés de la communauté. Et pour finir, quand il dit que les autres prophètes étaient envoyés à leur peuple en particulier, alors que lui est envoyé à tous les hommes. Donc ça c'est les 5 choses qu'il a eues. Il y en a eu d'autres, ça c'est les 5 que c'était dans le hadith, d'autres encore. Et là le shahid dans le hadith c'est Atayammum. Jouratil ard tahura. C'est-à-dire que la terre m'était accordée comme purification. C'est-à-dire pour Tayammum. والتيمم دليله بقول تعالى وإن كنتم مرضى أو لسفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا كما dire si l'un d'entre vous vous êtes malade ou en voyage ou que l'un d'entre vous accomplit ses besoins vous avez touché des femmes et vous ne trouvez pas d'eau alors faites le tayammum avec de la terre. Ça c'est le dalil du Coran. نعم il y a des choses, c'est-à-dire il y a des règles. Là, ce n'est pas là vraiment le ders, c'est-à-dire ce n'est pas un ders entier dans le tayammum, mais la baisse qu'on prend quelques fois. Tayyib al-kalimat al-jadida. Tayammama et tayammamu, ça c'est le verbe. Et le masdar tayammum. Masdar tayammum. Jurouhun, blessure. Jurouhun, blessure. Arda'un, c'est le diamant de adou, qui veut dire membre. Ouais, c'est un jam. Moufraf, c'est adou'un. Aïn, aïn, bel, dod, et il y a le hamza, le waou. C'est quoi, c'est les membres? Non. Les jismes, c'est pour le corps, en fait. Jismes, c'est en dessous, c'est le corps. Adou, il y a un waou. En fait, le hamza, il est posé sur le waou. À la base, c'est hamza, mais en fonction de la haraka, il peut être ou sur un waou. Ou ça dépend ce que tu vas mettre derrière. Donc quand tu fais mon marfou, c'est sur un waou. Qadamun, le pied. Et c'est pas la jambe. Qadam, c'est le qadam, c'est tout seul. Muslimun, ma'louf. Ce qu'ils appellent musulman qui n'a pas de sens. Donc nous, on dit muslim. Jismun, on l'a déjà dit en haut, le corps. Adam, ça ne pas dans le texte, en fait, à la base, Adam, c'est la négation d'une chose. C'est le fait de mettre une négation devant une chose qui n'a pas lieu. À la base, Adam, c'est le néant. Adam tout seul, c'est le néant. Là, quand tu mets devant une chose, en fait, c'est tu veux une connotation de négation à la chose. C'est-à-dire tu dis la yatroulu al kafiru al mazil haram bi adam islami. C'est-à-dire le kafir ne rentre pas dans le masjid haram parce qu'il n'a pas l'islam en fait. Darabaya dribou, ça c'est frapper, taper. Darabaya dribou, frapper, taper. Istirmal, c'est le masdar de istirmal, istirmalo qui veut dire utiliser, employer. Donc là c'est l'utilisation. Non, emploi, comme ça. At-turab, c'est la terre. Et bien, Turab, c'est la terre. At-tahir, pur, chose qui est pure. Et bien, tahir, pur. Ta'akhur, c'est le mazal de ta'akhara et ta'akharu qui veut dire arrive en retard, par exemple, ou d'autres sens, ça dépend du texte. Ou arrive en dernier. C'était à l'heure, tu arrives en dernier, tu as harta. Tarkun, c'est le masdar de taraka et turku qui veut dire laisser, délaisser. Taraka et turku qui veut dire délaisser. Et tark, c'est le masdar qui veut dire délaissement. Abandon, ou shiakada. Hudur, c'est le masdar de hadara yahduru qui veut dire venir, se présenter, être présent. Enfun, c'est le nez. Masaha yamsahu, essuyer. Non. Hudur, c'est. Masdar de hadara yahduru. طيب الحوار الابن والاب مثلا معهما toujours le fils et le père. انت الابن وانت الاب. حان وقت صلاتي حي توضا يتوضا. نعم. Hana, là, ils l'ont pas mis dans le tableau, ce qu'ils auraient dû faire, c'est un verbe. Hana yahinu. Et c'est un verbe qui est propre au temps. C'est-à-dire là, quand on dit Hana waqtu salat, c'est le temps de la salat est arrivé. Et tu n'as pas dit Hana Muhammad. Non, ça c'est Hana, tu l'as attribué au temps, en fait. Hana waqtu al-isha. Hana waqtu al-fajr. C'est-à-dire qu'un temps est venu. Donc Hana waqtu salat. Hayya natawadda. Il dit, est arrivé le temps de la salat, allez, on fait le wudu. أنا سأتيمم لا أستطيع الوضوء. Il dit, moi je fais le tayammum, car je ne peux pas faire l'oudou. Astatir, c'est pouvoir. Là, astatir, je ne peux pas. Pourquoi ne peux-tu pas faire l'oudou? Donc il dit, je suis atteint d'une blessure dans les membres de mon corps. وهل قابلت الطبيب؟ لا. طبيب. نعم. As-tu rencontré le docteur ou le médecin؟ نعم. ونصحني بعدم استعمال الماء. Donc il dit نعم, oui, et il m'a conseillé de ne pas utiliser l'eau. Donc là, بعدم استعمال, c'est de ne pas faire une chose. Comme on dit, ça attribue une négation. Et ça rentre sur un isme, ça rentre pas sur un verbe. Tu dis pas bi'adam adhabu. Là, tu dis bi'adam zahabi. Bi'adam juloufi. Tu l'attribues au masdar. Tu l'attribues pas au verbe. Adam, ça rentre sur un mot, sur un nom. Donc, bi'adam istiamel, c'est en fait le fait de ne pas utiliser l'eau. Quel mais c'est l'eau, ma'alouf. Là. Nam. Et par quoi fais-tu le tayammum? Tayammum, on n'a pas de, y a pas de traduction de ce mot-là. Donc ça reste comme il est. Donc il dit avec la terre pure. Et comment le musulman fait-il le tayammum? Donc il dit en premier, il fait la basmala en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et il frappe la terre avec ses deux mains, les deux paumes, voyez, et ensuite il essuie avec ses deux mains son visage, puis ses deux mains. Et je vous akada, voyez, tu peux faire comme ça, et tu peux aussi commencer par les mains et après le visage. Là, tu peux taper des mains avec tes mains le sol, voyez, et faire ton visage, et ensuite tes mains, comme dans l'exercice c'est venu. Ou alors tu peux frapper le sol des mains, faire tes mains d'abord et ensuite ton visage. Dans les hadiths authentiques, c'est venu, les deux versions. Mais dans le Coran, ce que lui est venu, c'est le visage en premier. Il y a une préférence ou pas? Selon le verset, il y a ça. Il y a une importance au verset. Là, est-ce que dans le verset, ce qui est venu maintenant, ce qui est préférable ou pas, Allah Alam, c'est permis quoi, de faire un autre homme. نعم طيب مفهوم النص est en bonne tayammum, on fait pas n'importe quand. Par exemple lui là il dit quoi, qu'il a des blessures tayammum dans ses membres. Yani un khilaf dans la mas'ala, celui qui est blessé tayammum, c'est sûr que maintenant si le fait qu'il touche de l'eau ça va le nuire ou lui faire du mal, le tuer, comme ça avec un sahabi qui avait une blessure à la tête, voyez, et il était en janaba, il avait dit et les sahaba lui ont dit il fait l'eau d'eau. Ou fait le rousse, pardon. Il a fait le rousse et il en est mort. Nabi Salam, il est authentique. Nabi Salam, il a même dit quand elle a rouvert le droit. Et là, c'est pas en devoir contre, c'est plutôt en réprimande. L'IMSL, pourquoi ils ne vont pas interrogé avant de parler? Tu vois, ça, c'est parmi les trucs qui prouvent qu'il faut demander et ne pas s'avancer à faire des fatwas sans science. Et donc, c'est Sahabi, il en est mort. Et il a dit, tu veux faire le tayammum, en fait, à la base, à cause de sa blessure à la tête. Et des fois, tu as des blessures, ça dépend comment elles sont, c'est une petite blessure, comme on dit un petit bobo, tu vois. Tu mets un pansement ou un truc dessus, et un khilaf, tu fais le dos, et juste tu passes sur le pansement. Ou tu l'évites. Alors là, tu as une blessure ici seulement, et tu fais le dos, tu mouilles partout toute la partie de la blessure, et les autres parties, tu fais le dos. Et une parole qui dit quoi? Tu fais le dos, tu touches pas la partie blessée, et tu veux tailler un moment plus pour compenser la partie blessée. Le plus authentique, c'est que tu fais le dos et tu touches pas la partie blessée. Mais il y a un khilaf, tu vois, donc après ça, ça donne un barf, une recherche. J'ai eu une blessure ici, j'ai eu un pansement, mais c'était difficile, donc vas-y, moi j'ai fait ça et j'avoue que ça m'a un peu, tu vois. Non, maintenant, faut que c'est une douleur, faut que ça te nuise. Maintenant, t'as un petit bobo et l'eau, ça touche à rien de faire, tu fais le dos normal. C'est pas ta mal, c'est que ça veut dire la blessure va vraiment faire des problèmes. Maintenant, si c'est une blessure simple, tu passes au-dessus. Shalom et ado. Donc c'est le docteur qui va te dire, tu vas le voir, il va dire non, mets pas d'eau là-dessus. Là, à ce moment-là, ouais. Mais sinon, c'est une petite coupure avec un ciseau ou quoi, ou couteau, ou une petite égratignure, ça, on peut le mouiller. Généralement, malade. En général, ça fait pas. Ça fait un peu, ça pique, hein. Aïe, ça pique, mais après, ça passe, quoi. Inch'Allah. Taïb, Hélène, il va apprendre à quoi à employer le mot Adam, comme on a dit. Yakoul, Awalen istamir waradid. Nasahani bi Adam istiamel el ma'. Donc, il m'a conseillé de ne pas utiliser l'eau. Quand ça va durer. Et comme on a dit, Adam, il rentre sur un isme en général. Et très souvent, sur un masdar. Thaniyan. Wa alaykum as-salam. Nasahani bi Adam tarki salat. Il m'a conseillé de ne pas délaisser la salat. Wa ni'ma nasihatiya. C'est une bonne nasiha. Falifan, nasahani bi adam al-zahab il al-mal'ab. Il m'a conseillé de ne pas aller au terrain de jeu. Bonne nasiha aussi. Dis-moi, ça dépend qui parle, c'est un enfant ou la abbesse. Rabian, nasahani bi adam al-safar al-yom. Il m'a conseillé de ne pas voyager aujourd'hui. Khamisan, nasahani bi adam al-ta'akhur an-dirasa. Il m'a conseillé de ne pas tarder dans les études. Je ne sais pas s'il veut dire arriver en retard au cours ou le retard dans les études. La chasse au chien aujourd'hui. Non, ça. Thalithan, nasahani bi adam al-hudur fil masa. Il m'a conseillé de ne pas me présenter, vous voyez, le soir ou l'après-midi. Il y a deux moines. Daoud Andek, il m'a conseillé de ne pas m'asseoir là. Qu'est-ce que tu appelles nasahani. C'est quoi le mazdar de Jalassé à Jissou? Mawad mazdar? Là c'est Ism Fa'il. Ah ouais, c'est un Ism. Ouais, mais c'est pas un mazdar. Ah, enfin, Jalis. Faut qu'il ait un sens, c'est pas n'importe quel Ism, tu mets Adam. Faut qu'il ait un sens. Là y a pas de chance, tu mets Adam Jalissin. Mais Adam. Il m'a conseillé de ne pas sortir aujourd'hui. Nasahani bi'adam khuruj al-yawm. Aywa. C'est quoi le masdar de Jalis? Julous. Ah, Julous. Non. Tayeb, عندك Abdul Rahman. Il m'a conseillé de ne pas aller au palmier. Un conseil. Qu'est-ce que tu as Nasahani bi Adam tahab il a le palmier. Le nakhla, l'école d'akhla. Mais comme on l'a dit, en fait, vous appelez cocotier. C'est plus propre. Oui, plus proche de leur. Tu vois, c'est tellement ridicule, vous appelez cocotier. Non, c'est la carotte, je crois. La carotte aussi, ouais. Non. Bonne nasiha. طيب. ثانيا اكمل كما في النموذج. هل قابلت الطبيب؟ اشوقه في المدرسه. نعم. ونصحني بعدم استعمال الماء. Donne pas d'exemple. Quoi mettre comme phrase? Tout le temps la même phrase. Bah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça vaut trouver une phrase Nasahani bi Adam kada kada wa kada. Non mais il veut qu'on conjugue là-dedans. Ouais, mais la finale, la phrase elle est pareille. Ouais, ouais c'est juste conjugué. Ou juste. Et des fois c'est pareil, des fois ça change. Par exemple, quand c'est Qabalou, t'as vu, elle Qabalou, ma femme, le tabib, Nam, wa nasahahoum. Alors, on veut dire ça, tu vois. Mais quand tu vois. Ouais. En fait, c'est le nasahani qui va changer. Des fois, ça va être nasahani, des fois, ça va être nasahahou, des fois, ça va être nasahouna, ainsi de suite. هذه أم الفمن إن شاء الله. هل قابلا الطبيب؟ Est-ce qu'ils ont, c'est-à-dire tous les deux, rencontré le tabib? Naam. Naam. Hel qabelti al tabib? Naam. Wa nasahan. Wa nasahan. Nasahati. La. Là, il parle à une femme. T'es pas une femme, on sait. Mais toi, tu es dans la situation où quelqu'un te parle à toi. Comment tu veux lui répondre? Aïe, là, il reste pareil. Non. Thalithan, elle, qabalata al-tabib. Et est-ce que elles deux, tabib, ont rencontré le tabib? Non. Elle, qabalou al-tabib. Est-ce qu'ils ont rencontré le médecin? Non. نعم نعم هل قابلنا الطبيب هل قابلنا الطبيب هل الطبيب سادسا هل قابلت الطبيب هل قابلت الطبيب هل قابلت الطبيب نعم نصحها نعم بعدم الاستعمال الماء. سابعا هل قابلتم الطبيب؟ avez-vous rencontré le médecin؟ نعم نصحنا بعدم استعمال الماء. تاسعا هل قابلتما الطبيب؟ avez-vous tous les deux rencontré le طبيب؟ نعم ونصحنا بعدم استعمال الماء. نعم ثامنا هل قابل الطبيب اي هو est-ce qu'il a rencontré le tabib نعم ونصحه بعدم استعمال الماء عاشرا هل قابلتن الطبيب est-ce que vous c'est-à-dire des femmes avez rencontré le tabib نعم ونصحني ونصحنا نعم بعدم استعمال الماء طيب عندي سؤال ايوه سنا on a utilisé hum. Et pourquoi dans... Là, c'est pas un féril, là. C'est pas un féril, là. Tout à l'heure, on voulait un féril. Ah, hey, l'ibn ou l'ab, tawadjaha ou tawadjahu. Alors que là, tu parles de quelqu'un. Là, ça m'a roulé. C'est pas le même. Vous voyez? Thalithan, istamir ou raddid. Écoute ou répète. يقول هل تستطيع الوضوء؟ تستطيع الوضوء؟ لا أستطيع الوضوء. Je ne peux pas faire الوضوء. Ensuite la question qui vient. لماذا لا تستطيع الوضوء؟ Pourquoi ne peux-tu pas faire الوضوء؟ يقول لأنني مصاب بجروح. Car je suis atteint d'une blessure. Donc on a toujours la question لماذا؟ Ça va être لأنني أو لأنك أو لأنه ou ainsi de suite. ثالثا هل تستطيع الحضور؟ Peux-tu te présenter? La astatiu al-hudur. Je ne peux pas me présenter. Limaza la astatiu al-hudur. Pourquoi ne peux-tu pas te présenter? Liennani maridun bil-humma. Car je suis malade de la fièvre. Comme ça on dira. Khamisan. Hel astatiu al-safar. Peux-tu voyager? La astatiu al-safar. Je ne peux pas voyager. Limaza la astatiu al-safar. Pourquoi ne peux-tu pas voyager? Liennani zahibun limuqabilati al-tabib. Car je vais. J'ai une rencontre avec le tabib en fait, car je vais rencontrer le médecin en fait. Tu peux dire différentes phrases, toutes tournent autour du même point. Tu fais qu'il s'en va pour rencontrer le médecin. Tayyib, هل تستطيع الوضوء؟ لا أستطيع الوضوء. Ça c'est le rabia. Bien. Ça va faire l'an. Inch'Allah. أولاً هل تقرأ درسا جديدا؟ Est-ce que tu lis un nouveau cours? عندك؟ لا أقرأ درسا جديدا. نعم، تقولي فصل. هل تعرف مكتبة الجامعة؟ Est-ce que tu connais la bibliothèque de l'université؟ لا أعرف مكتبة الجامعة. جامعة. جامعة. نعم. ثالثا، هل تعرف مكان الصحف؟ Connais-tu le lieu des magazines, des journaux؟ لا أعرف مكان الصحف. هل تحضر الدرس اليوم؟ Vas-tu te présenter au cours aujourd'hui? Vas-tu venir assister au cours aujourd'hui? On dira comme ça. لا أحضر الدرس اليوم. الدرس. الدرس اليوم. نعم. خامسا هل تنظر بأنفك؟ Ah bon? Est-ce que tu regardes par le nez? Quoi? C'est ça qui est écrit. هل تنظر بأنفك؟ Ah. Si tu dis là, c'est... Bah oui, tu regardes par le nez, toi. Hein? Tu regardes par le nez? Non. La vue est dans le nez? Non. T'es bizarre, toi. Hein? Je leur dis, t'es bizarre, parce que ta vue est par le nez, tu regardes par les narines. Cette question, elle est pas aussi intéressante. C'est pas une question. Je sais qu'il y a des gens qui disent que regarder par le nez, regarder du nez, c'est avoir du kibre, de l'orgueil. Parce que t'es comme ça. Ah. Tu te prends pour je sais pas qui, donc à la tête haute, tu regardes du nez, on dit. T'es orgueilleux, quoi, en fait. T'es prétentieux. Mais là, c'est pas ça qui va, je pense. Donc, هل تنظر بأنفك؟ لا أنظر بأنفي. وبماذا تنظر؟ أنظر مع بي بي بالعينين. بالعينين. Faut pas dire مع, parce que مع, en fait, ça veut dire en compagnie de. C'est pas par. فهمت؟ Attention, une fois, il y avait un frère comme ça en Égypte. Je sais plus de quoi on parlait. Parce qu'au début, j'étais vraiment tout début de ma langue arabe. Et je disais, ouais, je dors. C'est bon, je dormais en pyjama, je sais pas quoi, tu vois. Et en arabe, ils disent pyjama pareil. C'est pas un mot arabe, mais ils vont dire pyjama. C'est pour dire pyjama. Je disais, ouais, ana anem ba pyjama. Et là, moi, t'anem ma. Il dit, t'anem bi, tu vois. S'il dit, t'anem ma, c'est-à-dire, il est à côté de toi, tu vois, il est dans ta compagnie. Et c'est là qu'il m'a appris, il m'a dit, t'anem bi, tu vois. Pour dire en pyjama ou quoi. Dès que je dors en pyjama, tu vois. Je sais plus pourquoi on avait dit ça. Dans Isar, tu vois. A dit. Je sais plus pourquoi on est parlé ça. En tout cas, mais il m'avait repris depuis, alhamdoulilah, j'avais compris. Parce que pour nous, avec, c'est tout avec. Ouais, c'est tu vois. Cool. Je suis venu, par exemple, tu dis je suis venu avec la voiture. Ouais. Pour dire aussi venir. Ouais. Quand tu dis tout marseillais, alors c'est comme si on était venu et la voiture était on t'accompagnait. On ne dit pas forcément que tu es venu en voiture, ouais. Par la voiture. C'est pas pareil. Ma'a, c'est une chose qui est en ta compagnie. Elle est avec toi, elle t'accompagne. Et c'est pas forcément le moyen que tu utilises pour faire la chose. Fais attention à ça. Et zou. Zou. Il y a un truc comme ça, zou, non? Aïe, ouais, ça. Zou, c'est une personne qui a quelque chose. Ça dépend ce que tu mets derrière. Zou, le khoulouk, c'est quelqu'un qui a un bon comportement. Allah, wa zou, le kouwati l'matin. Vous le kouwati l'matin. Celui qui a la force terrifiante. Ou la grande force. Est-ce que tu attends le cas? Khamisan. Istabdil kema fi namouzaj. Change comme dans l'exemple. Awalan yakoul. Ana musabun bijourouh fi kodamayya. Donc il dit je suis atteint d'une blessure dans mes deux pieds. Là c'est mes deux pieds. Quand des meïa, à ce moment-là c'est mes deux pieds. Wa alaykoum assalam. Des fois ils mettent des ishkalats au tout lèvre, franchement. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas cité avant que la balance d'âme comme ça. Les moufanna quand il est modof, il y a un mutakallim. Ça se met tout un courant entier, ils vous le mettent comme ça, sans explication, il n'y a rien. Et j'ai pas envie d'entrer dedans maintenant. Sache que c'est les deux pieds, mes deux pieds à moi. Hein? Alors, entre parenthèses, il met Damir Houa. T'as cool, Houa Moussaaboun, Tayeb, Bijourouhin, Fikadamayi. On est obligé de le dire. Le Moussanna, on l'avait dit, je crois, en plus déjà. Le Moussanna, je sais plus si c'est avec vous, avec les autres frères, je l'avais dit. Le Moussanna, Aoudé Moudakal Salim, quand ils sont Moudof, on enlève le Noun. Si, on l'avait dit, je crois. Je l'avais dit à vous? Parce que je sais que vous en avez parlé pendant ton fil dans le Moumtia avec le frère. Donc tu enlèves le Noun. Vous voyez? Et après tu mets le Moudof, il est Moubachar. Par exemple, tu veux dire, ce sont ses deux professeurs à lui, t'as cool, Hazani, Moudarissa, Hu. Moudarissa, avec le Alif, Hu. Le Noun, on ne l'avait pas, Hazani, Moudarissa, Nihi. Là, tu ne dis pas ça. Tu dis Moudarissa, Hu. Et si jamais il est Mansoub ou Majrour, طيب رأيت مدرسيه là le on vient avec le ya et on met directement le damir daya mansoub ou majrour non comme il a dit là fi qadamayhi là c'est majrour donc il a atteint une blessure dans ses deux pieds طيب كيف تقول ما انت انت مصاب بجروح في قدميك نعم ثانية هي هي مصاب لا هي هي ايوه هي مصاب لا مؤنث مفرد كيف تجي مصاب Il y a un changement qui va s'effectuer là. Tu dis Hiya Kabir Hiya Tawil Hiya Musabatun Aïe, ouais, Hiya Musabatun. Il suit le Mutada. Hiya Hiya Musabatun Bijurur Fi Kadimeya. La Kadameya. Nam. ثالثا انت انت مصابه بجروح في قدميك نعم هو واصل ميم لا tu le dis pas انتما trop facile اي انتما انتما مصابكما لا مثنى لا pas de demi-ra mettre là c'est مثنى انتما C'est quoi le moussana de moussab Moussabani. Aïe, il n'y a pas de demi à mettre là. Juste tu l'adaptes. Aïe, il n'y a pas de demi à mettre là. Aïe, il n'y a pas de demi à mettre là. Huma. Huma. Moussabani. Moussabani. بجروحين في قدميهما. طيب المجهول هما من مؤنث. دفع. هما مصابين. لا. تفعل لما يروح كهيا لا. تفعل لما يروح كهيا. كهيا. تدي هي مصاب. لا، c'est هما، c'est deux femmes. Là, comment tu différencies entre deux femmes et deux hommes sur Moussab là Quand on disait que c'est un moins neuf maintenant Il y a un truc à rajouter Là. Le même que tu as rajouté avec Hia. C'est le même si tu ajoutes Alif et Nun à la fin. Moussaba. Là. Comment t'as dit Hia Comment t'as dit Hia Moussaba. Moussabatun. Ben là, tu rajoutes un alif à nous. Moussabani. Enlève le tanouin. Enlève tun. Enlève un. C'est quoi la lettre qui est à la fin? Moussaba. C'est quoi comme lettre à la base? C'est un tu rajoutes un alif à nous. Après, c'était. Houma, Moussabatani. C'est tout. في بجروح في قدمي هما avec le ها ومن الكسرة انا هو انا ايوه صح طيب سادسا املا الفراغات في الجمل الاتيه باختيار كلمات مناسبه مما يلي Donc on peut les trous avec les mots. Yadribu, frapper. Yatayammamu, faire le tayammum. At-tahir, pur. Jismihi, son corps. Jumal Oula, Khalidun, Musabun, Bijuruhin, fi. Donc Khalid est atteint d'une blessure dans. À mettre le mot. Khalidun, la yasatiru al-wudu, lidalika, sa. Donc Khalidun ne peut pas faire le dos, c'est pour cela qu'il va faire le, mettre le mot. ثالثا التيمم ان فراغ الانسان التراب فراغ بكفيه donc التيمم c'est que trou l'homme avec la terre trou avec ses deux mains Ils ont mis 4 mots et 3 phrases. Ah oui, une phrase et 2 mots. Ayons. La dernière a 2 mots. Voyez. L'écrase, juste le cours Allah Ta'ala. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَوْ لَسَفَرِينَ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ لِلْغَائِطِ وَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Toucher les femmes, ça annule l'odeur. Ça l'étrangère. Une femme, quelconque. Je crois faire l'odeur. Faire l'odeur, c'est quoi le dalil? Comment tu parles en dalil, le jidik? Faut toucher, faut faire le dos. Je sais, mais après, je. Dalil, il est là, devant tes yeux, là. Ou à la mastamounissa. Les savants sont de ce verset-là pour dire. Mais en fait, là, c'est pas ça. Là, le tafsir. La massa, c'est touché. Hein? La massa, c'est touché. Ouais, mais ça veut dire que si je fais ça à une femme. Il y en a, ils disent, naam. En servant ce verset-là. Mais le sens, j'ai voulu de parler de la mastamounissa, c'est là, c'est djima. Le fait que tu as eu un rapport sexuel, ou alors que tu es touché et que t'as le masdi qui est sorti. C'est le liquide transparent qui avant le. Au moment où t'es. C'est-à-dire que si t'as une serre et tout, bam, tu redois faire. C'est un lit si tu prends le. Le col, et quand elle est, la masse me dit ça. Sinon, la sœur, ta sœur de sang. Ouais, comment ta sœur de sang. Le verset, il est ram, la masse me dit ça. Il n'a pas dit ni ça, ni Azouajikoun. D'accord, toutes les femmes. Le verset, si tu prends un Azouajikoun, t'es obligé de prendre toutes les femmes dedans. Les filles et tout. Ah, ouais. D'accord. Mais il y a un hadith qui a été apporté par. Comme le Salam, quand Bala Bardi Saïs, Makhraj al Salam, voilà, mais ça va dedans. Et même. Et le hadith, c'est des femmes, de toute façon, je crois. Mais il appuie la chose, et de toute façon, les ulama, ils ont dit quoi? Qui n'a pas été apporté que le prophète Mohammed ou le Sahaba touchait leur femme et faisait leur doigt, d'ailleurs. Mais ça serait pour une femme, autre femme, peut-être, non? Non, c'est le fait de toucher une femme, il serait été causé, la sortie du mazi, ou alors tu as eu un rapport sexuel. Comme ça. Ouais, Alexa. C'est ça qui t'amène à faire le dos, ou à faire le roussou. Ça dépend. Si tu as un rapport sexuel, c'est le roussou. Si tu as touché le mazi qui est sorti, jusqu'au dos. Vous voyez? Non. طيب فإلى هنا الحمد لله رب العالمين.